Comment dit-on « aller » ? Gehen. Gehen. Ça s'écrit G-E-H-E-N. Gehen. Donc, nous allons se dit Wir gehen. Wir gehen. Et nous n'allons pas? Wir gehen nicht. Wir gehen nicht. Vous allez, vous que je vous vois aller? Sie gehen. C'est cela, redites-le. Sie gehen. Sie gehen. Comment dit-on où? À quel endroit? Wo? Wo. W-O. Wo. Oui. Mais en fait, en allemand, il existe plusieurs mots pour traduire où. Il y a wo, que vous connaissez déjà, mais si où suppose un mouvement, il faut utiliser wohin. Wohin. À vous de le dire? Wohin. Donc, wohin veut dire où lorsqu'il y a un mouvement. Wohin. W-O. H-I-N. Wohin. Par exemple, quand vous dites « Où allez-vous ?», ce « où » se rapporte à un mouvement. Donc, vous direz « Wohin gehen ?»« Sie gehen ?» Reprenez la phrase plus lentement. « Wohin ?»« Wohin ?» Oui. Et « Allez-vous ?» se dit « Gehen Sie ?» Wohin gehen Sie? Et voilà, c'est ça. Wohin gehen Sie? Si vous construisez la phrase en prenant votre temps, en prenant le temps de réfléchir, vous ne pouvez pas vous tromper. Mais si vous vous dites « Je sais, je devrais le savoir », alors là, vous risquez de prendre n'importe quelle solution, celle qui, d'après vous, sonne le mieux. Encore une fois, wohin gehen Sie? Où allez-vous? Et pour dire où voulez-vous aller? Là aussi, il y a mouvement. Wohin wollen Sie gehen? C'est bien ça. Wohin wollen Sie gehen? En allemand, vous pouvez aussi renforcer la notion de mouvement dans le verbe lui-même et utiliser avec wo le verbe hingehen. Hingehen, c'est gehen avec le petit mot hin devant. H-I-N. Hingehen. De la même manière que kommen, comme on l'avait vu, peut s'associer avec d'autres petits mots. Mit, mitkommen ou an, ankommen. On a donc hingehen. Ah. Alors, où voulez-vous aller devient wo wollen Sie hingehen. Vous avez donc deux manières de dire la même chose. Wo wollen Sie hingehen? Ou bien, comme tout à l'heure, wohin wollen Sie gehen? Donc, encore une fois, « aller » se dit « gehen ». Mais si vous voulez indiquer qu'il y a un mouvement, il y a le verbe « hingehen ». Ça s'écrit en un mot « hingehen ». H-I-N-G-E-H-E-N. Là-bas, ou là, se dit « dort ». Dort. Dort, ça s'écrit D-O-R-T. Dort. Ça, c'est s'il n'y a pas d'idée de mouvement. En effet, il y a aussi deux mots pour dire « là »,« là-bas ». Il y a d'abord « dort », par exemple, pour dire « je reste là ». Comment diriez-vous « je reste là »? Ich bleibe dort. Ich bleibe dort. Bien. Mais s'il y a mouvement, là, là-bas, se dit « dorthin ». Dorthin. Dorthin. Ça s'écrit « D-O-R-T-H-I-N ». Donc, on retrouve ce « hin » qui indiquait déjà le mouvement dans « wohin » et « hingehen ». Donc, « dorthin », c'est « là »,« là-bas », avec mouvement. Comme dans « je veux aller là-bas ». Comment diriez-vous « je veux aller là-bas »?« Je veux » c'est « ich will ». « Là-bas » avec un mouvement. « Dorthin ».« Dorthin ». Dorthin. Oui, donc dorthin signifie là-bas quand on indique une direction. Dorthin. Alors, je veux aller là-bas. Aller, c'est gehen. Oui. Ich will dorthin gehen. Je veux aller là-bas. Ich will dorthin gehen. Et je ne peux pas aller là-bas aujourd'hui, mot à mot, aujourd'hui là-bas. Ich kann nicht heute aller là-bas. Attention, il y a un mouvement. Dorthin gehen. Oui, ich kann nicht heute dorthin gehen.